Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de l'Empire ottoman dans la Fabrique de l'Histoire. Après avoir évoqué les femmes ottomanes lundi et hier écouté le documentaire de Perrine Kervran et Renaud Dalmar sur les manifestations du parc Gezi et les références qui y étaient faites à cette question ottomane, nous allons ce matin vous parler de la cohabitation et de la tolérance religieuse dans cet empire. Grâce au texte lu pour nous ce matin par Daniel Königsberg, nous allons nous poser la question de la tolérance religieuse dans l'Empire, au-delà peut-être de rêves d'harmonie, c'est parfois avancé, entre les religions, ou encore des cauchemars de soumission complète et violente des autres religions par l'islam. Nous allons pour cela avoir le plaisir de recevoir ce matin François Georgeon. Il est directeur de recherche au CNRS, auteur de « Vivre dans l'Empire ottoman » à l'Armatan. Il est également auteur d'un « Abdulhamid 2 » chez Fayard et il co-dirige un dictionnaire de l'Empire ottoman qui paraîtra à l'automne, toujours chez Fayard. Marie-Carmen Smirnelis est également avec nous. Elle est maître de conférence à l'Institut catholique et elle a réalisé sa thèse, sous la direction d'ailleurs de François Georgeon, sur la ville de Smyrne à l'époque ottomane. Et Amit Mozarslan est également avec nous, il est directeur d'études à l'École des études en sciences sociales et auteur entre autres d'un récent « Histoire de la Turquie de l'Empire à nos jours », une réédition en poche dans la collection Texto chez Talendier. Ce fut un délire indescriptible. La réconciliation entre les races et les religions venait d'être faite autour d'un immense drapeau rouge sur lequel on lisait en langue turque « Vive la Constitution » et sur les quatre coins « Liberté, égalité, fraternité, justice ». Bonjour François Georgeon, voici donc un extrait d'un texte d'Auguste Sarrou, La jeune Turquie et la Révolution, paru en 1912, mais qui rapporte effectivement le mouvement constitutionnel des jeunes Turcs en 1908-1909. Et donc cette réconciliation, on commence par la fin de notre histoire d'une certaine façon, par ce moment où justement ce rêve de réconciliation entre les races et les religions était le plus flagrant au tout début du XXe siècle, François Georgeon. Oui, en effet, c'est quelque chose de tout à fait étonnant de voir au lendemain de cette révolution qui mettait fin au despotisme du sultan Abdulhamid, de voir cette réconciliation apparente entre les différentes communautés de l'Empire. On a des images tout à fait étonnantes de cette révolution, les gens de différentes religions s'embrassent dans la rue, les peuples, les imams et les prêtres se donnent l'accolade. Il y a donc cette vision tout à fait pacifiée d'un empire et elle arrive en même temps très tardivement, oui, en réalité, puisque l'empire n'a plus que d'une dizaine d'années à vivre en réalité, et oui, il va éclater. Et pacifié et relativement factice, parce qu'on sait effectivement qu'il y aura les massacres d'Adana tout de suite après, qu'il y a déjà eu des massacres à la fin du 19e siècle, en particulier d'Arméniens, et puis que effectivement, ce qui se passera un peu plus tard avec le génocide des Arméniens montrera qu'effectivement cette réconciliation temporaire entre les religions chrétiens, non-chrétiens, musulmans, juifs, etc. est un moment un peu particulier, un moment d'extase, pourrait-on dire, mais qui ne durera que peu de temps, François Georgeon. Il va durer très peu de temps, effectivement, mais il y a un fol espoir, si vous voulez. C'est un fol espoir qui est créé durant quelques semaines, quelques mois au lendemain de la Révolution, parce que on croyait que une constitution dans l'Empire ottoman allait mettre fin à ces maux, c'est-à-dire que les Ottomans devenant des citoyens, votant pour un parlement, et bien que les différentes communautés allaient être représentées, et que par conséquent toutes les difficultés qu'avait eu l'Empire tout au long du 19e siècle à maintenir cette cohésion, et bien on a pensé pendant quelque temps que les choses seraient résolues par l'annonce de cette constitution. Alors, Amit Mozarslan, si on remonte quatre siècles plus tôt, c'est-à-dire avec la création de cet empire ottoman, la chute de Constantinople, Constantinople et donc l'installation de cet empire ottoman dans cet espace géographique immense de l'est de la Méditerranée. Que peut-on dire justement sur ces débuts et cette installation de l'islam dans une région qui était auparavant une région christianisée, mais où vivaient aussi des communautés très diverses, comme les communautés juives, par exemple, à Mid-Bozarslan. Tout à fait. Je pense qu'il faudrait sans doute retenir deux dates. La première, c'est 1453. C'est la date, effectivement, de la conquête de Constantinople. Et cette date signifie que l'Empire a désormais, se conçoit désormais comme un empire. Jusqu'à 1453, on a en face plus ou moins d'un beylika, donc d'une structure étatique, mais qui n'a pas la projection de soi dans l'avenir en tant qu'empire. 1453, c'est très clair. On constitue désormais la troisième Rome. On est le successeur d'une tradition impériale qui n'est pas une tradition islamique, qui est une tradition européenne. Mmh. Et puis, la date de 1514-1516, cette fois-ci, l'Empire réalise sa très grande ouverture ou ses grandes conquêtes vers le sud. Les villes califales du passé, Bagdad, Damas et le Caire, tombent effectivement sous le contrôle de l'Empire ottoman. Et par ce biais-là, on a une islamisation de l'Empire. Donc, vous avez une double tradition, et cette double tradition signifie qu'à un moment donné, vous introduisez un principe d'unification, d'unité. Le pouvoir est centralisé dans le palais, c'est très clair à partir de 1453. On voit d'ailleurs que l'élément turcique est plus ou moins éliminé de la bureaucratie. On le remplace par des chrétiens islamisés qui viennent des Balkans. Et de l'autre côté, le fait même d'être un empire signifie l'introduction d'une pluralité extraordinaire. Une pluralité d'abord qui passe par les kanunname, donc les lois spécifique à chaque région. Ces lois se puisent dans ce qui existait déjà. Et cela est très très net, par exemple, dans les Balkans. En deuxième lieu, on a vraiment des formes d'accommodement un peu partout avec les communautés qui existent. Il y a d'un côté, effectivement, des traditions impériales ou des traditions d'une Europe fragmentée. De l'autre côté, les principes de l'islam ou la jurisprudence de l'islam est maintenue. On sait qu'il est interdit aux chrétiens ou aux juifs de porter des armes en terre d'islam, mais on sait que dans les Balkans ou en Crimée, mais on procède à des dérogations. Il y a des entités kurdes qui sont reconnues comme des entités autonomes. Il y a 16 ou 17 émirats. Et enfin, il y a la représentation sur la base de la communauté religieuse pour les communautés... Les millettes pour les communautés chrétiennes et juives. Donc on a l'impression qu'effectivement l'Empire est à la fois unifié et de l'autre côté ne vit que par des statuts dérogatoires pratiquement dans l'infini. Oui, alors cela, François Georgeon, c'est une particularité de cet empire. Dans son livre « Histoire de la Turquie, de l'Empire à nos jours », Hamid Bozarslan dit même que c'est une capacité intégratrice et centralisatrice rare, peut-être même unique dans ce domaine d'empire, en tout cas allant plus loin que la capacité intégratrice, dit-il, de l'Empire romain à son plus haut niveau. Mais néanmoins, effectivement, on voit bien qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ces cohabitations, en particulier religieuses, et donc de population dans l'Empire ottoman, puisque certains disent il y a soumission à l'islam obligatoire, enfin pour les communautés qui continuent à exister, puisqu'elles payent un impôt pour pouvoir ne pas faire le service militaire, par exemple. Et d'autres disent, au contraire, ben oui, il y a peut-être soumission, mais elles ont été plus tranquilles dans ces régions-là que dans bien d'autres régions de la Méditerranée à la même époque, par exemple, François Georgeon. Oui, alors Hamid a bien raison de dire que c'est probablement l'empire le plus divers parmi les empires territoriaux, disons, si on se place au XIXe siècle, celui d'Autriche, ensuite Autriche-Hongrie et puis la Russie, on peut faire des cartes, si vous voulez, à peu près des communautés, on peut les représenter à peu près d'une manière cartographique. Pour l'Empire ottoman, c'est très difficile parce que les populations sont extrêmement mélangées dans les régions, dans les villes, dans les quartiers, dans les villages. Il y a des quartiers communautaires, qui ne sont d'ailleurs pas des ghettos, mais il y a aussi des quartiers mixtes. Oui. À Erzurum, en 1591, rappelle Hamid Bozarslan dans son livre, il y a 20 quartiers, 8 musulmans, 8 donc chrétiens, et 4 mixtes, par exemple. Ça, c'est en 1591, ou à 1519, à Salonique, il y a 1374 foyers musulmans, 1087 foyers grecs et 3174 foyers juifs, qui en fait une ville plus juive qu'ottomane d'une certaine façon, oui, François Georgeon. Oui, tout à fait. C'est très difficile d'ailleurs de donner un portrait général de l'Empire, parce qu'il y a des cas justement, on n'a que des cas particuliers pratiquement. C'est ça. Effectivement, des comme exceptions, vous dites, Salonique est une ville à moitié juive au XIXe siècle, mais par exemple Athènes, avant de devenir la capitale de l'État grec, en fait est une ville où il y a très peu de musulmans. Vous voyez, donc c'est extrêmement difficile de donner une image générale de l'Empire. En tout cas, tout cela tient probablement d'ailleurs parce que il y a une administration très fine à la base, qui est celle du quartier, effectivement. Mmh. C'est-à-dire, je crois que l'organisation par quartier, à la tête duquel se trouve le chef de la communauté religieuse, c'est certainement très important. Et puis au-dessus, au niveau le plus large, donc, il y a à la fois la notion de justice. C'est-à-dire que le sultan doit faire régner la justice entre ses sujets, il doit assurer leur prospérité, et en même temps, c'est un système qui est fondé sur l'inégalité. L'inégalité des statuts, donc Hamid l'a rappelé, les chrétiens ne peuvent pas porter les armes, ils ne peuvent pas tester en justice, par exemple. Donc il y a une inégalité, mais qui est tout à fait assumée, si vous voulez, qui est claire et nette, et qui fait effectivement de l'Empire un système qui est extrêmement éloigné de ce que va être, disons, les systèmes politiques après la Révolution française, fondés sur l'égalité, sur la liberté. Oui, alors vous expliquez bien, Hamid Bozarslan, effectivement, que ce statut de Zimi, donc qui est l'équivalent des Dhimmi dans les pays du monde arabe, en l'occurrence, ce statut de Zimi est un statut inégalitaire, qu'on ne peut pas, par exemple, construire des lieux de culte, on n'a pas le droit, dans beaucoup d'endroits, de faire sonner les cloches, on n'a pas le droit, etc., etc., de faire des manifestations religieuses, mais qu'au bout du compte, il y a tout de même parfois des pogroms qui se déroulent, et vous le rappelez, pogroms de juifs au XVIIe siècle qui sont non pas fréquents mais qui existent au sein de l'Empire ottoman tout de même la protection lointaine pour certains de ces chrétiens de puissances européennes qui négocient directement avec le sultan et qui permettent d'une certaine façon d'éviter de trop nombreux dérapages aussi, Hamid Bozarslan. Oui. Je pense que François l'a rappelé, on est en face d'un système à la fois égalitaire, mais en même temps qui permet aussi une coexistence. Inégalitaire. Inégalitaire, oui. Profondément inégalitaire, parce que le statut de l'islam est très, très clair et les autres communautés sont considérées comme les communautés de livres à protéger, mais à condition qu'elles acceptent la soumission. Inégalitaire, mais en même temps qui permettait une certaine coexistence à trois conditions. La première condition, qui est effectivement le domaine matrimonial, était strictement contrôlé. Donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de mixité. En deuxième lieu, le lieu de culte était plus ou moins considéré comme sacré. Les chrétiens et les juifs, sauf exception, n'avaient pas le droit de construire de nouveaux lieux de culte. Et on sait que beaucoup d'églises ont été transformées en mosquées. Mais ceux qui restaient, disons, étaient considérés comme sacré, et ce sacré permettait à la communauté, à chaque communauté, de légitimer son existence par l'au-delà. Et puis, en troisième lieu, les cimetières qui étaient sacralisés. Donc, chaque communauté s'ancrait en quelque sorte, prétendant à une historicité par les cimetières. Et pourtant, vous dites, par exemple, que cette domination ne conduit pas, en tout cas dans les textes qu'on peut avoir, à des révoltes organisées, par exemple, de chrétiens à l'intérieur de l'Empire ottoman. En revanche, on connaît des révoltes de musulmans contre d'autres musulmans, parce qu'il y a des tendances dans l'islam qui s'affrontent. Mais en revanche, dites-vous, jusqu'au XIXe siècle, Hamid Bozarslan, on n'a pas de documents prouvant les révoltes massives de chrétiens contre la domination qu'ils subissent. Je pense qu'effectivement, pour deux raisons d'ailleurs, je dirais qu'en premier lieu, parce qu'on est vraiment dans une structure impériale, et de ce point de vue-là, peut-être que Rome fait une exception. Rome est basée malgré tout sur un principe de citoyenneté, alors que Byzance est déjà une structure extrêmement communautaire. Et en deuxième lieu, on a l'impression qu'effectivement, il y a une sorte d'exclusion de la société dans sa totalité. On n'est pas basé, ce n'est pas une fabrique de citoyens. Non. Un empire n'est pas une fabrique de citoyens. Oui, sur ce point, François Georgeon. En fait, les communautés, bon, il y a une inégalité, on l'a dit, mais en même temps, elles jouissent d'une autonomie. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que si on ne peut pas construire d'église, on a des églises, on a sa propre langue, les communautés ont leur propre langue. On gère un peu l'état civil. Et ils gèrent l'état civil à travers les paroisses, si vous voulez, bien sûr. Et puis, leurs écoles et également tout ce qui est d'ordre caritatif, si vous voulez, c'est-à-dire des hôpitaux, des soupes populaires, etc. Donc, en réalité, il y a certes, domination, mais en réalité, il y a aussi autonomie ou semi-autonomie de ces communautés. Et ça va être ça l'un des problèmes au 19e siècle, c'est que c'est tout en voulant l'égalité, ces communautés vont vouloir garder d'une certaine façon ces privilèges d'autonomie dont elles disposent du fait du système ottoman. À quoi ressemble une ville de l'Empire ottoman à la toute fin du 19e siècle? Un voyageur, Alexandre de Grand, raconte ses souvenirs de Haute-Albanie à cette période-là. C'est un texte qui nous est lu par Daniel Königsberg. Parfois, dans le quartier turc, passe à côté de vous une envolée de ferredjés aux couleurs voyantes. Sous les ombrelles papillotantes, éclatent les rires des dames turques toujours si insouciantes et si gaies. D'autres fois, vous croisez une Albanaise musulmane à l'allure poétiquement sinistre, artistement drapée dans sa dolama bleue au revers largement brodé d'or, charmeuse dans le balancement de ses pantalons, aux poignets brodés d'or comme ses babouches. Elle glisse à côté de vous, attrayante énigme, les traits à peine dessinés par la mousseline qui entoure sa tête, figure blanche de fantôme, dans laquelle on n'aperçoit que deux yeux d'oriental, des yeux profonds et troublants de sphinx, vous regardant droit et gravement. Alors, on n'est pas à un cliché près dans une description comme celle-ci. En l'occurrence, effectivement, la gravité, le caractère oriental et dur des yeux qui nous regardent à travers le voile, effectivement. Mais on voit bien, effectivement, cette cohabitation, y compris dans les rues. C'est aussi ce qui surprend, j'imagine, dans le paysage de l'Empire ottoman au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, ceux qui s'y rendent. C'est cette partage donc de l'espace public par différentes religions, différents costumes, différents types de communautés, en l'occurrence Hamid Bozarslan. Parlant de Sarajevo, Javad Karahasan, un romancier qui est du XXe siècle, disait que pour vivre en bonne entente dans cette ville, il fallait que chacun soit un ethnologue, que chacun connaisse effectivement les mœurs, les coutumes, les habitudes des autres. Et je crois que cette description de l'ethnologie au quotidien, et chaque citoyenne ou chaque sujet est en même temps un ethnologue, définit assez bien cette coexistence. Prenons un exemple qui est le vôtre, en l'occurrence Marie-Carmen Smirnelis, l'autre thèse que vous avez réalisée sous la direction de François Georgeon, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, cette thèse porte sur la Smyrne pendant l'Empire ottoman, en l'occurrence, qui est donc surtout au XVIIe, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe, pardon, et au XIXe siècle, la grande ville marchande, portuaire et commerçante de l'Empire avec Istanbul. Cette Smyrne, ça ressemble à quoi quand on s'y promène, puisque vous la connaissez tellement bien que vous pouvez nous la décrire quasiment rue par rue, Marie-Carmen Smirnelis? Oui, en effet, comme le disait François Georgeon, justement, parmi tout cet empire ottoman pluriel, Smyrne est aussi un cas particulier, puisque sa population au XIXe siècle non musulmane, c'est-à-dire chrétienne et juive, est majoritaire, à tel point que pour les Ottomans, elle est la ville infidèle, Smyrne infidèle, Gavur Izmir. On aurait pu lire la même description presque pour Smyrne, d'ailleurs, que celle qu'on vient d'écouter dans cet extrait. Pour l'Albanie, oui. Oui, finalement, ça n'aurait pas été surprenant. Les voyageurs européens qui arrivent à Smyrne vous décrivent justement, vu depuis le port, ces mosquées qui cohabitent, vu depuis le port, avec des églises, avec les synagogues. Donc on a cette vision donc d'abord de cohabitation. Mmh. Et quand ils se promènent dans les rues, c'est une vision aussi sonore. Toutes ces langues qu'ils entendent, diverses. Donc ottoman, grec, un peu d'italien, arménien. Ces costumes arménien. De couleurs différentes, ces façons de se parer de façon différente pour les femmes et pour les hommes, tout ça c'est tout à fait évident. Avant l'arrivée massive, j'imagine, dans le courant du 19e siècle, du costume à l'européenne qui va peut-être bouleverser ce paysage. Mais disons, entre le milieu du 18e, au moment où explose justement la ville de Smyrne, et puis le milieu du 19e, là il y a véritablement cette cohabitation visuelle aussi, sonore, visuelle, etc. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs fascinant de penser à cette cohabitation qui tout de suite apparaît d'emblée, d'entrée de jeu, surtout que quand ils arrivent, ils se promènent autour du port, dans le bazar. Donc là, c'est vraiment en action. Alors un exemple, par exemple, de quelques incidents, parce qu'il y a des incidents dans cette cohabitation, il ne faut pas dire qu'elle se passe toujours très bien, tiré d'une proposition que vous nous avez faite, Marie-Carmen Smirnelis, les archives du ministère des Affaires étrangères, la lettre du consul français de Smyrne adressée au ministre. Nous sommes le 19 juin 1793, elle nous est lue par Daniel Königsberg. Des incidents ont secoué la ville de Smyrne car des matelots anglais ont provoqué des matelots d'une corvette française. Des sujets rayas du grand seigneur, des ottomans non musulmans, avaient pris parti pour les anglais. Tout allait pourtant être entièrement assoupi si les esclavons, sous le faux rapport que deux des leurs avaient été blessés et arrêtés par les français, n'étaient venus en foule contre eux armés de pistolets et de sabres. Plusieurs esclavons se sont transportés au café fréquenté par les capitaines français, ont enfoncé la porte, tout saccagé, blessé le maître du café, un protégé français. Le consul français demande alors au consul de Venise de purger l'échelle de tous les esclavons et lui adresse une lettre en ce sens. La réponse de ce dernier ne se fait pas attendre. Je vous répéterai encore une fois que nos désirs, ici, sont de vivre en parfaite intelligence avec la nation française et que nous voyons avec peine que ce souhait général, que nous aimons a priori croire réciproque, est troublé quelquefois par la mauvaise conduite de quelques simples individus. C'est un texte qu'on pourrait prendre en séminaire et travailler pendant à peu près 2 heures, j'imagine, et on n'épuiserait pas tout le sens de ce texte, en l'occurrence Marie-Carmen Smirnelis, parce qu'on y entend plusieurs choses. D'abord, qui sont ces esclavons, qui sont ces sujets rayas du grand seigneur, et puis aussi la question des quelques individus qui troublent la communauté, puisque évidemment, c'est aussi le contrôle par la communauté des individus qui la composent, qui participent à la façon de mieux gérer justement l'Empire, puisque chaque communauté est responsable de ses membres vis-à-vis de, en particulier de l'Empire ottoman. Oui, alors justement, les protégés, vous en avez parlé, Hamid Bozarslan, c'était un statut particulier au sein de l'Empire ottoman, où des sujets ottomans étaient protégés justement et donc avaient un statut particulier par une puissance européenne. Mais cet exemple, qui est assez riche, si on le décortiquait complètement, montre aussi que les conflits, finalement, au-delà d'un certain cliché, les conflits concernaient finalement toutes les communautés, c'est-à-dire aussi entre Européens. On a peut-être tendance, quand on regarde... Entre musulmans parfois, entre chrétiens et musulmans, entre chrétiens et juifs, mais aussi entre Européens. Et on a tendance, peut-être, quand on regarde les conflits qui ont lieu dans l'Empire ottoman, à ne regarder que les conflits, peut-être, entre chrétiens et musulmans, ou des conflits... qui est presque un cliché du conflit intercommunautaire. Cet exemple un peu peut-être le déconstruit, me semble-t-il. C'est d'ailleurs pourquoi je vous l'avais proposé. Oui, François Georgeon, à propos de cette gestion justement difficile et parfois donc conflictuelle de ces relations entre les uns et les autres, quand quelques individus sortent du rôle qu'on leur assigne pour pouvoir justement agresser les autres, par exemple, François Georgeon. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des étrangers qui provoquent le trouble, c'est-à-dire des Anglais et des Français. D'une certaine façon, pendant ce qu'on peut appeler l'époque classique ottomane, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle, disons, tant que les lignes de partage sont religieuses, d'une certaine façon, on connaît, si vous voulez. C'est-à-dire, après tout, les rapports entre l'islam, le judaïsme et le christianisme datent de 10 siècles. Les gens ont eu le temps de comprendre les religions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec la religion d'en face. Les interdits, lorsqu'il y a des processions dans la ville, comment est-ce qu'il faut lorsqu'il y a des fêtes religieuses, comment il faut se comporter, etc. Donc, il y a une sorte de grammaire, si vous voulez, qui est, au fond, intégrée, qui est connue, et c'est ce qui fait aussi que l'Empire ottoman n'a pas eu véritablement de guerre de religion, comme en Occident, si vous voulez, donc c'est connu. Ce qui va, au fond, mettre du désordre là-dedans, c'est le nationalisme. Enfin, et là, on est évidemment au 19e siècle, si vous voulez, quand les appartenances vont devenir tout à fait différentes des appartenances religieuses, qui étaient simplement religieuses. Là, on est en terrain connu, si vous voulez, dans la religion. Hamid Bozarslan, justement, sur ces changements entre cet Empire ottoman classique que vient de décrire François Georgeon et cette cohabitation situation relativement simple, puisque chacun connaît les règles de l'autre, et puis effectivement l'émergence de la question de la nation et du nationalisme dans cet espace géographique. Oui, le 19e siècle, on le sait, le siècle aérien, le siècle des nationalismes, est... On voit très clairement que les communautés chrétiennes, mais c'est aussi un peu le cas de la communauté juive, réalisent une très grande insertion, une intégration à l'Occident. Le processus d'occidentalisation s'accélère. Lorsqu'on arrive à la fin du 19e siècle, beaucoup de militants intellectuels de ces communautés s'identifient d'ailleurs comme socialistes. Donc il y a vraiment une réelle intégration. Et en même temps, cette intégration évoque une double question, la question de l'émancipation nationale, puisque chaque communauté effectivement se considère comme une nation historique, et la question de l'émancipation du genre humain, les deux étant articulés. C'est vrai que l'Empire ottoman n'a pas su saisir cette montée des courants nationalistes, n'a pas su effectivement introduire des réformes. Ça doit être difficile d'introduire les nations. On connaît ça pour l'Empire d'Autriche-Hongrie un peu plus tard, introduire les nations dans une constitution impériale. Et là, je crois qu'effectivement, alors que les communautés elle n'était plus nécessairement dans un ancrage impérial qui n'acceptait plus du tout la soumission à l'ancienne, qui promouvait la quête, qui avait une quête de citoyenneté. L'Empire restait encore beaucoup trop ancré dans cette structure impériale. Alors un autre exemple qui nous est fourni par les archives qu'a compulsé Marie-Carmen Smirnilis ici présente, des archives du ministère des Affaires étrangères, une lettre du consul français de Smyrne adressée au ministre, donc le 30 décembre 1808, on est à l'orée de ce 19e siècle qui va bouleverser beaucoup de choses dans cet empire ottoman, et c'est un texte qui nous est lu par Daniel Königsberg. Le 22 décembre dernier, dans la nuit, un Français nommé Jacques Aimé, de Toulon, juif de religion établie depuis environ 4 ans à Smyrne, où il exerçait le métier de ferblantier, a été assassiné publiquement près du quartier juif par un des gardiens du quartier. On l'avait frappé à coups de sabre, on lui avait volé sa bourse et retiré sa calotte. Prévenu de cet assassinat, j'ai envoyé un drogman au Mollah pour demander la punition du coupable. Celui-ci me répond que le coupable a avoué son crime. Tous les responsables de la ville ne demandent pas mieux que de punir le coupable, mais personne ne veut prendre la responsabilité de condamner à mort un janissaire. Cet assassinat impuni a fait la plus mauvaise impression aux Européens. Voilà, à 9h35, dans la Fabrique de l'Histoire, qui traite de la question de la cohabitation religieuse dans l'Empire ottoman, dans notre semaine consacrée au thème de l'Empire ottoman, Marie-Carmen Smirnilis, là aussi, un texte intéressant, cette relation entre un janissaire, donc un homme d'armes, lui, il porte les armes, ce janissaire, il tue un juif arrivé depuis 4 ans à Smyrne, et personne ne veut prendre la responsabilité de l'attaquer, ce janissaire, on est au tout début du 19e siècle. Oui, en plus, il le tue près du quartier juif, qui est dans la ville haute, donc, de Smyrne. Ce juif est français, en réalité, mais il n'habite pas dans le quartier européen, qui est dans la ville basse. Ça aussi, c'est très intéressant, montrant aussi d'autres types de cohabitation, qui, cette fois-ci, peut-être révèlent des solidarités plus religieuses. C'est-à-dire, ce juif français habite dans le quartier juif avec les autres juifs ottomans. Donc ça, c'est très intéressant. Et quelque part, c'est presque dangereux aussi pour lui. Voilà qu'il se fait assassiner. La suite de l'histoire peut-être montrerait que c'est aussi pour la bourse qu'il le portait, et peut-être pas uniquement pour des raisons religieuses, on ne sait pas, l'hypothèse reste entière. Mais c'est intéressant aussi de voir la distinction entre quartier et qui habite où est peut-être plus complexe que ce qu'on dit. Oui, et puis Hamid Bozarslan, tout de même, cette question de ceux qui portent les armes et ceux qui n'en ont pas dans un empire comme celui-ci est une question fondamentale aussi, j'imagine. C'est une question fondamentale. On sait que malgré tout, les chrétiens ont été autorisés à porter des armes dans les Balkans, dans la Crimée aussi. Mais de l'autre côté, effectivement, la naissance des nationalismes et la création des organisations politiques et militaires au 19e siècle a fait que beaucoup de communautés se sont armées. C'était pas les communautés nécessairement, mais les militants issus de ces communautés-là se sont armés. On connaît très bien la tradition de Komitajlık qui est née dans les Balkans. Bien sûr. Le comité Jelek, ça signifie effectivement l'ancrage dans une tradition révolutionnaire ou dans une organisation révolutionnaire, en principe armée. Et on sait également que, par exemple, dans l'Asie mineure, les organisations arméniennes ont le principe de fidaï, ceux qui se sacrifient. Là encore, il y a le passage à la lutte armée. Je crois qu'effectivement, avec la quête de la citoyenneté, avec la demande de citoyenneté et d'émancipation, la question de la lutte nationale est y compris par les armes, se posent et deviennent légitimes. Vous qui êtes biographe d'Abdul Hamid II, en l'occurrence François Georgeon, comment réagit l'Empire ottoman devant ce bouleversement, cette incapacité à savoir véritablement gérer ce phénomène nouveau, qui est le phénomène des nations et des nationalismes, qui va exploser au milieu du XIXe siècle un peu partout en Europe? Comment réagit-il cet empire? Oui, en fait, le nationalisme est explosif par rapport à ce que l'on a décrit du système ottoman, fondé sur des distinctions religieuses. C'est quelque chose qui est explosif pour l'Empire. Mm-hmm. Ça commence au début du XIXe siècle avec des révoltes en Serbie qui vont déboucher sur l'autonomie de la Serbie, l'insurrection grecque, bien sûr, qui va déboucher sur l'indépendance de la Grèce. Donc c'est les Balkans qui sont concernés d'abord, et c'est vrai que les Ottomans ne comprennent pas au départ ce qu'il se passe. Surtout qu'ils vont puiser dans ces Balkans beaucoup de ceux qui dirigent l'Empire ou qui ont dirigé l'Empire, les Albanais convertis et tous les gens qui sont devenus les premiers ministres, les vizirs ou les autres de ces sultans à Istanbul. Donc d'une certaine façon, il y a un lien un peu particulier qui a été établi depuis très longtemps par la conversion entre ces populations-là et le cœur de l'Empire, pourrait-on dire. Tout à fait, les Balkans sont le cœur de l'Empire en réalité. Donc c'est pour ça que la perte des Balkans va être dramatique d'ailleurs en 1913 quand elle sera consommée au moment des guerres balkaniques. Mais un siècle avant, en fait, on ne comprend pas. Et lorsqu'il y a ce type de ce que les Ottomans prennent pour des révoltes, en fait, ils utilisent des systèmes traditionnels. C'est-à-dire, ils renvoient le gouverneur, par exemple. Vous voyez, ils font... Bon, mais ça ne marche pas, bien sûr, et le nationalisme fait boule de neige. Et évidemment, c'est un système tout à fait différent, si vous voulez, parce que il y a une question de territoire qui ne se posait pas dans le cadre de la religion. Il y a un problème d'une langue, d'une appartenance à une culture. Il y a des symboles aussi, des drapeaux qui apparaissent. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est exactement à l'opposé du système de l'Empire. Et pour vous donner un exemple, et pour prendre d'ailleurs un exemple qui concerne Smyrne, qui montre bien le problème que pose le nationalisme, en 1897, il y a une guerre entre l'Empire ottoman et la Grèce, et le royaume de Grèce. Cette guerre est courte, elle se termine par une victoire de l'Empire ottoman. Le consul de France à Smyrne observe des Grecs, donc ottomans, qui sont dans la région égéenne, qui sont à Smyrne, et qui partent s'enrôler dans l'armée grecque. Oui. Et déjà, ces Grecs, depuis un certain temps, mettent des drapeaux grecs sur leur maison, oui, alors qu'ils sont Grecs de l'Empire ottoman, oui, ils ne sont pas ça. Grecs de Grèce, voilà. D'une certaine façon. Il observe ces Grecs qui partent pour une guerre contre l'Empire, donc ces Grecs ottomans partent pour une guerre contre l'Empire, en chantant des chants patriotiques grecs. Ce consul, c'est amusant, parce que sa réaction, en fait, il est très choqué. Ça le choque, et il dit, il trouve que l'Empire ottoman est bien tolérant et bien libéral. D'autoriser. Qu'il laisse ces gens chanter des chants patriotiques contre lui, si vous voulez, en quelque sorte. Alors, il y a un autre phénomène. Donc, on va installer un régime des Tanzimat, on appelle ce régime-là, dans les années 1830 à 1850, qui est un régime un peu plus libéral, même si Abdul Hamid va mettre un terme à cette libéralisation, à cette constitution qui va être votée dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais un autre phénomène arrive dans cet empire ottoman, c'est l'industrialisation, c'est la révolution industrielle, c'est la révolution des transports. Vous en êtes témoin à Smyrne de cela, Marie-Carmen Smyrnelis. La ville de Smyrne est profondément transformée puisqu'on va progressivement faire sauter tous les verrous qui étaient les verrous communautaires pour pouvoir autoriser la libre circulation, le libre commerce, permettre aux uns et aux autres de commercer d'un bout à l'autre de la Méditerranée, alors qu'auparavant tout était extrêmement réglementé pour justement ne pas empiéter sur le droit des autres, d'une certaine façon, Marie-Carmen Smyrnelis. Oui, les verrous sautent, des institutions nouvelles apparaissent, par exemple une municipalité mixte où les différentes communautés sont représentées, et c'est la deuxième de l'Empire, la première étant à Jérusalem, la deuxième à Smyrne. Smyrne. Et la ville, et d'ailleurs les différentes villes, on pourrait donner les exemples aussi pour Salonique, hein, Alexandrie, Istanbul, hein, se dotent d'une façade dite occidentalisée, hein, avec cette ligne de tramway par lesquelles passent des caravanes de chameaux. Ce n'est pas antagoniste, si vous voulez. Et de jolis cinémas, de systèmes d'égouts, enfin les voilà. Les cafés, les grands cafés. Très grands cafés, hein, les salles de théâtre, d'opéra, etc. Donc on l'appelle Smyrne, mais on trouve le même phénomène dans d'autres villes, le petit Paris de l'Orient. On trouve le meilleur de la culture, si on peut dire. Et en même temps, la cohabitation avec l'ancien système, les deux cohabitent côte à côte dans un espace géographique qui est à peu près le même, en l'occurrence, François Georgeon. Oui, il y a des transformations économiques et industrielles qui sont très importantes, mais aussi politiques. C'est-à-dire que l'Empire ottoman comprend finalement le problème des communautés, semble-t-il, et il essaie d'assurer une égalité, il essaie de fabriquer une sorte de nation, si vous voulez, où chacun serait égal. Et le problème, c'est que au fond, tout le monde est pour un certain type d'égalité, mais c'est différent, si vous voulez, cette égalité, elle est différente, et en particulier, les musulmans vont... avoir le sentiment qu'ils perdent un petit peu le privilège de statut qu'ils ont par rapport aux chrétiens. Et donc, pas mal de résistances vont venir de la part aux réformes visant l'égalité et la citoyenneté dans l'Empire, vont venir de la part de ces musulmans. Cette politique qu'on appelait de la nation ottomane, de fabriquer une nation à partir de ces différentes communautés, donc elle caractérise justement les tanzimates, si vous voulez, et on l'a appelé l'ottomanisme, et on en voit un dernier sursaut, justement, en 1908, au moment de la révolution jeune turque. Exactement. Alors, on voit des villes qui se transforme, on voit la création d'usines, on n'exporte plus comme auparavant que c'était le cas auparavant, des matières premières qui seraient transformées en Europe et qui reviendraient d'ailleurs parfois dans l'Empire ottoman transformé, mais on fabrique sur place. C'est le cas d'une filature à soie de Brousse, la ville de Bursa, donc visite en 1867 Valérie de Gasparin dans un livre qui s'appelle à Constantinople, par Vienne, le Danube et la mer Noire. Quelques pas nous ont menés devant une fabrique de soie. Nous nous attendions à trouver un de ces tristes intérieurs où règne la machine, où l'individu blême et souffreteux semble réduit au rôle de rouage. Nous entrons dans une salle bien claire, peuplée de femmes, jeunes, belles et rieuses. À droite, les Grecs, avec les Arméniennes. Leurs grands yeux attachés sur nous, l'air hautain de la Junon antique, des boucles d'or aux oreilles, des colliers au cou, les doigts chargés d'anneaux, trempent les cocons dans l'eau tiède et surveillent les dévidoirs. À gauche, les Turcs. Le yashmak légèrement abaissé, le nez fin, un peu long, la bouche délicate, la grâce timide, modeste, sans ornement. Leur visage d'un rose pâle tout empreint de douceur ose à peine lever les paupières. Elles plongent leurs doigts, teints de henné, dans les auges, remuent lentement les cocons et renouent la soie. Tandis que les écheveaux lancés à grande volée leur font des auréoles d'argent et d'or. Rien de charmant comme le contraste des deux races. Celles-là, fières, qui se savent belles, qui sont reines au logis. Celle-ci craintive, à peine sortie du harem, qui naissent à la vie, soumise, vite effarouchée, avec des regards de gazelle. Ah, il y va fort, hein, Valérie de Gasparin, en 1867, en visitant cette filature à soie de Brousse, en l'occurrence. Cette transformation va jouer aussi sur ces transformations de la société ottomane, Hamid Bozarslan. L'arrivée de cette classe ouvrière, par exemple, va faire que les solidarités ne seront plus simplement communautaires, mais il y aura des riches ottomans, des riches musulmans qui vont habiter dans les quartiers avec d'autres riches qui sont chrétiens, eux. Et puis il va y avoir des pauvres musulmanes qui vont travailler dans les mêmes usines que des pauvres chrétiennes, par exemple. Je pense que la question de classe se pose de manière assez aiguë dans certaines villes de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'on assiste à la naissance des syndicats. Il y a un internationalisme balkanique qui prône la fraternité des communautés. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, quelque chose bouge. Peut-être que ce mouvement socialiste ou de gauche est beaucoup moins présente à Istanbul même, puisqu'Istanbul effectivement est une ville sous le contrôle de Sultan Abdulhamid, donc les opinions ne peuvent pas s'exprimer, mais on sait aussi que pas mal de musulmans ou turcs se trouvent en exil à Paris ou à Genève, et ils sont très largement influencés aussi par les idées de gauche. Mais cela étant dit, la nation prend sa revanche en 1912, donc les guerres balkaniques déjà entre les États balkaniques et l'Empire ottoman, et par la suite entre les États balkaniques eux-mêmes, sont le glas de cet internationalisme. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'effectivement les guerres balkaniques ont montré ce qui va se passer en Europe occidentale en 1914, deux ou trois mois après le congrès de Bâle, l'international socialiste finalement se scinde en deux et les partis socialistes votent les crédits de guerre, et ce phénomène a eu lieu dans les Balkans en 1912. Et cela, vous le notez, vous, dans votre ville de Smyrne, Marie-Carmen Smyrnelis, sur laquelle vous avez fait votre thèse, vous notez ce changement, y compris dans l'organisation urbaine, avec des quartiers qui n'étaient pas mélangés, qui le redeviennent pour des raisons financières, musulmans qui fréquentent les mêmes cafés, les mêmes grands cafés que les riches européens, par exemple, des mariages qui vont peut-être devenir différents et s'arranger de façon différente, justement sous le coup de cette explosion économique et de ce changement de statut de l'Empire ottoman dans ces années-là. Oui, c'est surtout les nouveaux quartiers le long du bord du mer qui permettent justement cette émergence de classe où on cohabite avec l'autre cette fois-ci parce qu'on est du même milieu social, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en effet, ottomans, riches, turcs, européens, grecs, arméniens peuvent habiter dans les mêmes... Fréquenter les mêmes clubs, habiter dans des maisons mitoyennes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça commence d'abord par les banlieues des villes, en général, dans tout l'Empire ottoman, où d'abord on commence à se fréquenter dans sa maison de campagne, et après, dans une seconde étape, peut-être, on peut se fréquenter aussi, justement, dans la ville proprement dite. Oui, vous avez beaucoup insisté dans votre travail de thèse sur la souplesse, dites-vous, de ces sociétés des échelles qui sont les sociétés, en particulier de ces villes comme Smyrne, et sur la capacité plus grande, selon vous, quand on l'analyse finement, de mouvements à l'intérieur de ces sociétés qui étaient pourtant compartimentées. C'est le propre de votre travail de thèse, en l'occurrence, Marie-Carmen Smyrnelis. Je me souviens très bien d'une phrase qu'avait utilisée François Georgeon dans un livre d'un historien, Malcolm Yap, qui disait « La société ottomane, j'aime beaucoup vraiment cette phrase, est-elle un immeuble dans lequel les seules rencontres sont des rencontres de couloirs ? Est-ce que c'est ça ?» Et je me disais sans doute non, en réalité. C'est-à-dire, il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient, liens de parenté spirituelle, activité professionnelle, sociabilité, mais aussi mariage. C'est-à-dire, malgré le fait que normalement ils étaient interdits, quelque part, ils étaient contractés. Ouais, François Georgeon. Oui, il y a, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, disons, et autour de 1900, il y a un phénomène d'internationalisme, comme disait Hamid, par le bas, si vous voulez, c'est-à-dire au niveau de la classe ouvrière, dans les grandes villes, mais en haut, il y a une sorte de cosmopolitisme, un nouveau cosmopolitisme, si on peut dire, qui effectivement fait cohabiter, non plus en fonction de l'ethnie ou de la religion, mais en fonction de la classe sociale. Et donc, on voit apparaître, comme le dit Marie-Carmen, des quartiers de banlieue à Izmir, à Smyrne, comme Buja, comme Bornova, par exemple. Il y en a d'autres à Salonique qui apparaissent, le quartier Hamidiye, du nom du sultan. Et alors, on a l'impression que peut-être avec ce cosmopolitisme, donc qui concerne les classes dirigeantes, qui concerne la bourgeoisie levantine, les Grecs, les Arméniens, etc., on a l'impression que peut-être la nation va être dépassée, si vous voulez. Et d'une certaine façon, on peut avoir le sentiment qu'au moment de la révolution jeune turque, il y a les classes moyennes aussi, si vous voulez, qui vont participer à ce ce caractère cosmopolitique, et puis ça va s'effondrer très vite en réalité. Un exemple, un texte trouvé dans le livre de Marie-Carmen Smirnelis qu'elle avait dirigé aux éditions Autrement, un témoignage du Smirniote d'origine néerlandaise Bonaventure Slars. Nous sommes en 1893, voici ce qu'il dit de cette ville de Smyrne. C'est qu'à Smyrne, il n'y a pas une race, mais un mélange de races. Depuis 3 siècles, des Français, Hollandais, Anglais, Italiens, Hélènes, Allemands, Suisses, etc., célibataires, viennent à Smyrne, des diverses provinces de leur pays, et épousent soit des filles indigènes, soit surtout des filles fruits de mariage de ces Européens avec les filles indigènes. Ajoutez les mariages entre les progénitures de toutes ces variétés, que de ces mélanges nombreux, il ne peut pas résulter un type particulier, mais quelque chose de varié qu'on ne saurait définir et qui ne peut constituer une majorité dominante et saisissable. C'est cela qui est dramatique, c'est qu'au moment justement où ce mélange est le plus actif, pourrait-on dire, François Georgeon, eh bien c'est ce moment-là où ces familles issues de différentes ethnies, différentes nations dans cet empire ottoman vont se séparer, se déchirer, s'exiler pour certaines, s'entretuer pour d'autres, François Georgeon. Oui, donc il y a effectivement, c'est ce qui fait aussi cet espoir de la révolution jeune turque, c'est qu'on a l'impression que les choses vont s'arranger vers un avenir meilleur et unifié, si vous voulez. En réalité, c'est vrai qu'il y a eu des mariages entre les différentes communautés. Cela dit, sur ce plan-là, la frontière entre musulmans et non-musulmans reste malgré tout relativement étanche. C'est quand même quelque chose qui est important. En gros, on peut dire que les musulmans qui ont un statut politique supérieur, en fait, se trouvent confrontés à des non-musulmans qui montent socialement, ouais, si vous voulez, qui montent économiquement. Et là, il y a au fond une situation, une sorte de distorsion qui va à la catastrophe. Sur ce point, Hamid Bozarslan et puis Marie-Carmen Spanielis. Oui, on a parlé de la gauche, mais en même temps, on est au début du XXe siècle. Il y a un deuxième courant qui commence à avoir ses lettres de noblesse en Europe, mais aussi dans l'Empire ottoman. C'est le darwinisme social. C'est le matérialisme biologique. Les textes Büchner, de Haeckel sont très largement répandus. Gustave Le Bon, qui est un vulgarisateur de darwinisme social, est très connu et salué comme le plus grand philosophe et sociologue de l'histoire humaine. Or, le darwinisme social explique que les nations et les sociétés sont des espèces en guerre pour la survie. Mm-hmm. De la même manière, l'idée de la guerre totale, le peuple en armes, qui est prôné d'ailleurs aussi par von der Goltz, qui enseigne dans l'armée ottomane, sont très répandues. Donc, on a l'impression qu'effectivement, les courants ou les tendances de destruction qu'on peut observer en Europe au début du siècle sont très présentes aussi dans l'Empire ottoman. Et sans le darwinisme social et cette idée de guerre totale, on ne peut absolument pas comprendre ce qui s'est passé dans les Balkans en 1912-1913. Pendant les guerres balkaniques, justement. Marie-Carmen Smirnelis. Alors, c'était pour compléter peut-être ce point de mariage qui me semblait très important. En fait, toutes ces barrières qui tombent, petit à petit, tombent, mais avec justement des règles implicites, c'est-à-dire des premiers mariages, par exemple, entre Européens, certes, mais d'abord, on commence catholique et protestant, c'est d'abord possible, et puis après avec des orthodoxes, et en effet la barrière musulman-chrétien ou musulman-juif est difficile à franchir, même au début du XXe siècle finalement. Oui, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un mélange parfait qui se mettrait en place à la toute fin de cet empire ottoman et avant la naissance de la République turque, ce n'est pas exactement cela. Pas pour tous les espèces de les types de liens peut-être, c'est-à-dire les sociabilités, les activités professionnelles, les matchs de football divers et variés, ça peut-être oui, mais peut-être certaines barrières restent envers et contre tout. François Georgeon, donc on a bien compris, puisque vous avez beaucoup travaillé sur cela, que ce 19e siècle était essentiel parce qu'il faisait écran, pourrait-on dire, à ce qui s'était passé dans les siècles précédents. Et il va surtout initier cette course à la nation qui va devenir le propre de toute cette région, comme de toute l'Europe. On voit le nationalisme fait boule de neige. Hein. On voit très bien, si on suit la chronologie, ça commence avec les Serbes, les Grecs, et puis ça s'étend aux Bulgares. aux Roumains, aux Albanais aussi, qui sont en majorité musulmans. Et le nationalisme passe aussi aux Arméniens. Et puis, finalement également aux musulmans de l'Empire, mais non turcs, si vous voulez, c'est-à-dire aux Albanais, aux Kurdes, aux Arabes également. Donc, en réalité, le nationalisme recouvre tout, si vous voulez. Et va jusqu'à recouvrir les différences religieuses qui avaient été auparavant des différences qui avaient été structurantes pour l'Empire ottoman. Dans le cas des musulmans, il y a des, si vous voulez, une sorte de proto-nationalisme que l'on voit apparaître dans le monde arabe et puis chez les Kurdes et chez les Albanais. Il va rester malgré tout un ciment hein, qui va être l'islam, mais celui-ci ne va pas tenir pendant les guerres et pendant la Première Guerre mondiale surtout. C'est-à-dire que le tissu ottoman qui s'était déjà beaucoup effiloché, en fait, il se déchire avec les guerres balkaniques. Amine Besarsan, pour conclure. Oui, pour conclure, je dirais qu'un an après donc la révolution jeune turque de 1908, on entre dans une nouvelle période. Et cette nouvelle période a un double principe. Hein. Le principe de liberté, égalité, fraternité est remplacé par celui des abturabt, hein, ordre et discipline. Mm-hmm. Et en deuxième lieu, le principe de fraternité est remplacé par l'idée de la nation dominante. La nation dominante militaire qui n'est plus du tout la nation musulmane, mais graduellement on dit voilà, ce sont les Turcs qui ont conquis ce pays. Ce sont les Turcs qui ont construit ce pays et les Turcs constituent une sorte de la nation qui a le droit de dominer et déterminer l'avenir de ce pays-là. Donc on voit qu'effectivement le nationalisme qui commence, que l'Empire ignore, que l'Empire n'arrive pas à décortiquer, à comprendre, devient l'idéologie dominante du Comité Union et Progrès dès 1908-1909. Merci à vous, Amine Besarsan. Je rappelle qu'on peut lire avec beaucoup d'intérêt la republication En Poche. Ça vient tout juste de sortir de votre histoire de la Turquie, de l'Empire à nos jours. C'est dans la collection Texto chez Talendier, que François Georgeon, on peut lire avec beaucoup d'intérêt aussi, votre Abdoulaye 2, c'est chez Fayard, et qu'on attend avec impatience, et vous reviendrez sûrement pour cela, le dictionnaire de l'Empire ottoman que vous co-dirigez chez Fayard, c'est à paraître cet automne. Et Marie-Carmen Smirnelis, si on veut en savoir plus sur la ville de Smyrne sur laquelle vous avez accompli votre thèse, eh bien malheureusement, il n'est plus disponible le livre que vous aviez coordonné autour de Smyrne chez Autrement, mais on peut le trouver chez les bouquinistes, j'imagine, ou en allant sur le net. Et d'autres ouvrages ou d'autres articles à lire sur ce sujet ? Ben oui, montrez-le. Voilà, il est là. Voilà, une société hors de soi. C'est donc votre thèse publiée donc chez Peters en 2005, et Identité et relations sociales à Smyrne au 18e et 19e siècle. Celle-là, on la trouve encore. Merci. Merci encore. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vianna Bolivier et Aurélie Marcet. Alexandre Dang était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Vous pouvez écouter comme d'habitude cette émission sur le site internet de France Culture et y laisser vos commentaires ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Et comment ai-je pu oublier Daniel Königsberg qui nous a accompagnés pour toutes les lectures de cette journée. Merci Daniel.